Dossier 4, livre page 39. La mère parle avec sa voisine Nadia des activités de ses enfants dans la journée et de leurs habitudes. Tu sais, Nadia, j'ai 4 garçons. Chacun d'eux a ses habitudes. Fadi se lève toujours tôt à 7h. Bachir prend, chaque jour, son petit déjeuner à 7h15. Naji est un très bon élève. Il commence à faire ses devoirs à 4h, après l'école, et Mounir se couche toujours tard, à 10h.